Ce panneau signale un danger représenté par un vent latéral. Il faut être particulièrement vigilant quant aux écarts de direction.